J'ai dit que Jésus avait été mon directeur. En entrant au Carmel, je fis connaissance avec celui qui devait m'en servir, mais à peine m'avait-il admise au nombre de ses enfants qu'il partit pour l'exil. Ainsi, je ne l'avais connu que pour en être aussitôt privé. Réduite à recevoir de lui une lettre par an sur 12 que je lui écrivais, mon cœur se tourna bien vite vers le directeur des directeurs, et ce fut lui qui m'instruisit de cette science cachée aux savants et aux sages qu'il daigne révéler aux plus petits. La petite fleur transplantée sur la montagne du Carmel devait s'épanouir à l'ombre de la croix. Les larmes, le sang de Jésus, devinrent sa rosée et son soleil fut sa face adorable voilée de pleurs. Jusqu'alors, je n'avais pas sondé la profondeur des trésors cachés dans la sainte face. Ce fut par vous, ma mère chérie, que j'appris à les connaître. De même qu'autrefois, vous nous aviez toutes précédées au Carmel, de même vous aviez pénétré la première les mystères d'amour cachés dans le visage de notre époux. Alors vous m'avez appelée et j'ai compris. J'ai compris ce qu'était la véritable gloire. Celui dont le royaume n'est pas de ce monde me montra que la vraie sagesse consiste à vouloir être ignoré et compter pour rien, à mettre sa joie dans le mépris de soi-même. Ah, comme celui de Jésus, je voulais que mon visage soit vraiment caché, que sur la terre personne ne me reconnaisse. J'avais soif de souffrir et d'être oubliée. Quelle est miséricordieuse la voie par laquelle le bon Dieu m'a toujours conduite. Jamais il ne m'a fait désirer quelque chose sans me le donner. Aussi son calice amer me parut-il délicieux. Après les radieuses fêtes du mois de mai, fêtes de la profession et prise de voile de notre chère Marie, l'aînée de la famille que la dernière eut le bonheur de couronner au jour de ses noces, il fallait bien que l'épreuve vînt nous visiter. L'année précédente, au mois de mai, papa avait été atteint d'une attaque de paralysie dans les jambes. Notre inquiétude fut bien grande alors, mais le fort tempérament de mon roi chéri prit bientôt le dessus et nos craintes disparurent. Cependant, plus d'une fois pendant le voyage de Rome, nous avions remarqué qu'il se fatiguait facilement, qu'il n'était plus aussi gai que d'habitude. Ce que surtout j'avais remarqué, c'était les progrès que papa faisait dans la perfection. À l'exemple de saint François de Sales, il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Les choses de la terre semblaient à peine l'effleurer. Il prenait facilement le dessus des contrariétés de cette vie. Enfin, le bon Dieu l'inondait de consolation. Pendant ses visites journalières au Saint-Sacrement, ses yeux se remplissaient souvent de larmes et son visage respirait une béatitude céleste. Lorsque Léonie sortit de la visitation, il ne s'affligea pas, ne fit aucun reproche au bon Dieu de n'avoir pas exaucé les prières qu'il lui avait faites pour obtenir la vocation de sa chère fille. Ce fut même avec une certaine joie qu'il partit la chercher. Voici avec quelle foi papa accepta la séparation de sa petite reine. Il l'annonçait en ces termes à ses amis d'Alençon. « Bien, chers amis, Thérèse, ma petite reine est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice. Ne me plaignez pas, car mon cœur surabonde de joie. » Il était temps qu'un aussi fidèle serviteur reçût le prix de ses travaux. Il était juste que son salaire ressemblât à celui que Dieu donna au roi du ciel, son fils unique. Papa venait d'offrir à Dieu un autel. Ce fut lui la victime choisie pour y être immolé avec l'agneau sans tache. Vous connaissez, ma mère chérie, nos amertumes du mois de juin et surtout du 24 de l'année 1888. Ces souvenirs sont trop bien gravés au fond de nos cœurs pour qu'il soit nécessaire de les écrire. Oh, ma mère, que nous avons souffert, et ce n'était encore que le commencement de notre épreuve. Cependant, l'époque de ma prise d'habit étant arrivée, je fus reçue par le chapitre. Mais comment songer à faire une cérémonie? Déjà, l'on parlait de me donner le saint habit sans me faire sortir, lorsqu'on décida d'attendre. Contre toute espérance, notre père chéri se remit de sa seconde attaque, et Monseigneur fixa la cérémonie au 10 janvier. L'attente avait été longue. Mais aussi, quelle belle fête! Rien n'y manquait, rien, pas même la neige. Je ne sais pas si déjà je vous ai parlé de mon amour pour la neige. Toute petite, sa blancheur me ravissait. Un des plus grands plaisirs était de me promener sous les flocons neigeux. D'où me venait ce goût pour la neige? Peut-être de ce qu'étant une petite fleur d'hiver, la première parure dans mes yeux d'enfant, virent la nature embellie, dut être son blanc manteau. Enfin, j'avais toujours désiré que le jour de ma prise d'habit, la nature fût comme moi, parée de blanc. La veille de ce beau jour, je regardais tristement le ciel gris, d'où s'échappait de temps en temps une pluie fine. Et la température était si douce que je n'espérais plus la neige. Le matin suivant, le ciel n'avait pas changé. Cependant, la fête fut ravissante. Et la plus belle, la plus ravissante fleur était mon roi chéri. Jamais il n'avait été plus beau, plus digne. Il fit l'admiration de tout le monde. Ce fut son jour de triomphe, sa dernière fête ici-bas. Il avait donné tous ses enfants au bon Dieu, car Céline lui ayant confié sa vocation, il avait pleuré de joie et était allé avec elle remercier celui qui lui faisait l'honneur de prendre tous ses enfants. À la fin de la cérémonie, Monseigneur entonna le Te Deum. Un prêtre essaya de faire remarquer que ce cantique ne se chantait qu'aux professions. Mais l'élan était donné et l'hymne d'action de grâce se continua jusqu'au bout. Ne fallait-il pas que la fête fût complète, puisqu'en elle se réunissaient toutes les autres? Après avoir embrassé une dernière fois mon roi chéri, je rentrai dans la clôture. La première chose que j'aperçus sous le cloître fut mon petit Jésus rose, me souriant au milieu des fleurs et des lumières. Et puis aussitôt, mon regard se porta sur les flocons de neige. Le préau était blanc comme moi. Quelle délicatesse de Jésus! Prévenant les désirs de sa petite fiancée, il lui donnait de la neige. De la neige? Quel est donc le mortel si puissant fut-il, qui puisse en faire tomber du ciel pour charmer sa bien-aimée? Peut-être les personnes du monde se firent-elles cette question. Ce qu'il y a de certain, c'est que la neige de ma prise d'habit leur parut un petit miracle et que toute la ville s'en étonna. On trouva que j'avais un drôle de goût d'aimer la neige. Tant mieux. Cela fit encore ressortir davantage l'incompréhensible condescendance de l'époux des vierges, de celui qui chérit les lys blancs comme la neige. Monseigneur entra après la cérémonie. Il fut d'une bonté toute paternelle pour moi. Je crois bien qu'il était fier de voir que j'avais réussi. Il disait à tout le monde que j'étais sa petite fille. À chaque fois qu'elle revint depuis cette belle fête, sa grandeur fut toujours bien bonne pour moi. Je me souviens surtout de sa visite, à l'occasion du centenaire de notre père Saint Jean de la Croix. Il me prit la tête dans ses mains, me fit mille caresses de toutes sortes. Jamais je n'avais été aussi honorée. En même temps, le bon Dieu me fit penser aux caresses qu'il voudra bien me prodiguer devant les anges et les saints, et dont il me donnait une faible image dès ce monde. Aussi, la consolation que je ressentis fut bien grande. Comme je viens de le dire, la journée du 10 janvier fut le triomphe de mon roi. Je le compare à l'entrée de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux. Comme celle de notre divin maître, sa gloire d'un jour fut suivie d'une passion douloureuse, et cette passion ne fut pas pour lui seul. De même que les douleurs de Jésus percèrent d'un glaive le cœur de sa divine mère, ainsi nos cœurs ressentirent les souffrances de celui que nous chérissions le plus tendrement sur la terre. Je me rappelle qu'au mois de juin 1888, au moment de nos premières épreuves, je disais « Je souffre beaucoup, mais je sens que je puis encore supporter de plus grandes épreuves. » Je ne pensais pas alors à celles qui m'étaient réservées. Je ne pensais pas que le 12 février, un mois après ma prise d'habit, notre père chéri boirait la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. Ah, ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir encore davantage. Les paroles ne peuvent exprimer nos angoisses, aussi je n'avais pas essayé de les décrire. Un jour au ciel, nous aimerons à nous parler de nos glorieuses épreuves. Déjà, ne sommes-nous pas heureuses de les avoir souffertes? Oui, les 3 années du martyre de papa me paraissent les plus aimables, les plus fructueuses de toute notre vie. Je ne les donnerai pas pour toutes les extases et les révélations des saints. Mon cœur déborde de reconnaissance en pensant à ce trésor inestimable qui doit causer une sainte jalousie aux anges de la céleste cour. Mon désir des souffrances était comblé. Cependant, mon attrait pour elles ne diminuait pas. Aussi, mon âme partagea-t-elle bientôt les souffrances de mon cœur. La sécheresse était mon pain quotidien et, privée de toute consolation, j'étais cependant la plus heureuse des créatures, puisque tous mes désirs étaient satisfaits. Ô ma mère chérie, quelle a été douce notre grande épreuve, puisque de tous nos cœurs ne sont sortis que des soupirs d'amour et de reconnaissance. Nous ne marchions plus dans les sentiers de la perfection, nous volions toutes les 5. Les deux pauvres petites exilées de Caen, tout en étant encore dans le monde, n'étaient plus du monde. Ah, quelle merveille l'épreuve a faite dans l'âme de ma Céline chérie. Toutes les lettres qu'elle écrivait à cette époque sont empreintes de résignation et d'amour. Et qui pourra dire les parloirs que nous avions ensemble? Ah, loin de nous séparer, les grilles du Carmel unissaient plus fortement nos âmes. Nous avions les mêmes pensées, les mêmes désirs, le même amour de Jésus et des âmes. Lorsque Céline et Thérèse se parlaient, jamais un mot des choses de la terre ne se mêlait à leur conversation, qui déjà était toute dans le ciel. Comme autrefois dans le belvédère, elle rêvait les choses de l'éternité. Et pour jouir bientôt de ce bonheur sans fin, elle choisissait ici-bas pour unique partage la souffrance et le mépris. Ainsi s'écoula le temps de mes fiançailles. Il fut bien long pour la pauvre petite Thérèse. Au bout de mon année, notre mère me dit de ne pas songer à demander la profession, que certainement monsieur le supérieur repousserait ma prière. Je dus attendre encore 8 mois. Au premier moment, il me fut bien difficile d'accepter ce grand sacrifice. Mais bientôt, la lumière se fit dans mon âme. Je méditais alors les fondements de la vie spirituelle par le Père Surin. Un jour, pendant l'oraison, je compris que mon désir si vif de faire profession était mélangé d'un grand amour-propre. Puisque je m'étais donné à Jésus pour lui faire plaisir, le consoler, je ne devais pas l'obliger à faire ma volonté au lieu de la sienne. Je compris encore qu'une fiancée devait être parée pour le jour de ses noces, et moi, je n'avais rien fait dans ce but. Alors je dis à Jésus, « Oh mon Dieu, je ne vous demande pas de prononcer mes saints vœux, j'attendrai autant que vous le voudrez. Seulement, je ne veux pas que par ma faute, mon union avec vous soit différée. Aussi, je vais mettre tous mes soins à me faire une belle robe enrichie de pierreries. Quand vous la trouverez assez richement ornée, je suis sûre que toutes les créatures ne vous empêcheront pas de descendre vers moi, afin de m'unir pour toujours à vous, ô mon bien-aimé. »